Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. On peut tomber amoureux d'un pays, ou de plusieurs pays, de l'Indochine, puis de l'Algérie. Entre deux guerres, celle de l'Indochine, celle de l'Algérie. Être journaliste, correspondante de guerre pour témoigner, encore et toujours. La torture, ceux qui la pratiquent, ceux qui la dénoncent, tel Monseigneur Duval. Les appeler, sur place, en Algérie, ou en métropole, dans telle ou telle caserne, qui manifestent, qui crient, leur refus d'aller pacifier l'Algérie, et qui demandent, qui exigent la paix, la vraie, en Algérie. Elle les rencontre, Madeleine Riffaut, ses appelés. Elle sait qu'une fois en Algérie, ils seront salis, quoi qu'ils fassent. Ils essaieront peut-être de soigner des blessés, des enfants, mais un jour, ils apprendront la mort de l'un de leurs copains, ils assisteront, peut-être de loin, peut-être de près, à l'interrogatoire d'un suspect. Ils entendront ses cris. On ne se remet jamais de ces choses-là. Madeleine Riffaut, La mémoire sauve par Ludovic Cellier, réalisation Marie-Christine Clauset, quatrième volet, Algérie, l'odeur du jasmin. Première diffusion sur France Culture le 5 août 1993. Madeleine Riffaut, La mémoire sauve. En 1954, Madeleine Riffaut n'est plus la petite fille qui a bâti un officier allemand un jour de juillet 1944. Elle a 30 ans et son passeport accumule les destinations. Entre Hanoï et Alger, il est difficile de savoir laquelle de ces deux villes la reçoit le plus souvent. Une chose est sûre, en 1954, la guerre d'Indochine s'achève et celle d'Algérie commence. Dès lors, les voyages Alger-Paris l'emportent sur le reste. Pendant 89 mois, le temps d'une guerre coloniale, Madeleine Riffaut couvrira le conflit algérien. Torture, attentats, partisans, résistants et humiliations, elle connaît. Elle a connu, 10 ans plus tôt, elle va connaître, 10 ans encore. 10 ans de ma vie, je suis presque pied noir, quoi. Parce que, vraiment, moi je tombe pas amoureuse des garçons comme ça, surtout maintenant, mais même avant. Mais alors je tombe amoureuse des pays. Alors je suis tombée, c'est une particularité que j'ai comme ça, je suis tombée amoureuse du Vietnam et ensuite je suis tombée amoureuse, j'étais déjà tombée amoureuse d'Algérie en 52 et après j'étais folle amoureuse d'Algérie. Mais je pense qu'on doit aimer sa patrie comme on aime sa mère, mais qu'il n'est pas interdit de tomber amoureux de la patrie du voisin, à condition de respecter sa liberté, évidemment. 1952, vous arrivez en Algérie, c'est votre premier voyage que vous racontez justement dans des articles qui ont été recensés sans vous dans un livre qui s'appelle de votre envoyé spécial. On m'avait envoyé en Algérie, oui, pour faire un voyage reportage. D'études, quoi. Un voyage d'études plutôt pour la CGT. J'étais restée 3 mois là-bas et tout de suite je me suis délabore, quoi. Je me doutais bien que j'allais pas voir des choses très roses, mais je pensais quand même pas que c'était à ce point-là la misère. Quand j'étais à l'école, on m'avait appris que l'Algérie, c'était la France. Quand Nguyen Dinh Thi, le poète vietnamien, allait à l'école, car il lui arrivait d'aller à l'école parce que son papa était postier, il avait eu le moyen. On lui disait, apprends par cœur mon petit, tes ancêtres les Gaulois ont les yeux bleus, etc. Lui, petit Vietnamien, bon. Mais moi, on m'avait appris de même que l'Algérie, c'est la France. Et puis, quand j'étais là-bas, bah, j'ai bien vu que c'était très différent. Et que le statut des musulmans, qui était 8 millions pour 1 million d'Européens de souche, n'était pas rose. Et il y avait des inégalités insoutenables, évidemment. Alors, j'ai fait la connaissance tout de suite, vous savez... Quelquefois, un petit fait déclenche des choses plus importantes. J'arrivais à Alger et j'avais un point de chute, c'était Alger Républicain, parce qu'il y avait le Travailleur Algérien aussi, journal des syndicats. Mais naturellement, je vais à Alger Républicain, qui était le grand journal des Européens et aussi des. Alleg était directeur, Boualem Kalfa était rédacteur en chef, Jacques Salor, administrateur. Il y avait aussi des Kabyles, il y avait. C'était un rêve. C'était le rêve de ce que nous aurait voulu, nous, pour l'Algérie de demain. Moi, j'avais lu. Le mélange. J'avais lu. Un truc de Maurice Thorez en 1939 où il parlait de l'Algérie patrie en formation. On lui a assez reproché après d'avoir dit ça. Hein. Mais au fond, c'est vrai. Moi, j'avais fait un poème sur l'Algérie où je parlais à l'Algérie et je lui disais ma rose de sable. Parce que il y avait tant de races de différentes, enfin de les Berbères, les Kabyles, les Européens de souche, ceux qui étaient venus, parfois, l'Algérie étant une terre de pénitence, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, une terre de déportation. Les communards, on pouvait encore voir leurs tombes en Algérie, et on me les a montrées. Et aussi des résistants, comme mon ami Moine, André Moine, dont j'ai fait la connaissance alors, qui était un ancien résistant français, arrêté sous Vichy, qui avait été torturé par la Gestapo, avait été déporté ensuite par Vichy sur l'Algérie, et qui avait fait souche là-bas, qui avait connu Blanche là-bas, était resté là. Et lui, il dirigeait le journal Liberté, et puis sa femme était au syndicat algérien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai vécu, parce que j'ai connu ce rêve de fraternité qu'était Alger Républicain, où j'avais été reçue de façon si fraternelle, où il y avait une cantine où cantinaient côte à côte Kabyles, Berbères, Français, enfin tous les copains du journal bouffaient ensemble et on se faisait des bonnes blagues. Et alors ça m'a fait si mal quand j'ai appris. Qu'eux avaient si mal, qu'ils avaient été tous arrêtés, que certains sont morts, certains sont déportés, peu ont sauvé leur peau. Et alors là, celui qui m'a donné la clé de l'Algérie, c'était un môme, un petit môme qui s'appelait Amar, petit cireur. Alors moi, je commençais à faire mon métier, alors je prends mon appareil photo, je vois un petit cireur qui est en train de cirer les bottes d'un légionnaire, alors je prends la photo. Le gosse me jette un regard de haine et il s'enfuit. Bon. Et puis, après, Alger Républicain, je l'ai retrouvé devant la porte. Et Boualem Kalfa, qui était un rédacteur en chef, me dit, je te présente Amar, c'est mon pote. Alors, Amar, il me dit, oui, alors, comme ça, faut pas prendre des photos comme ça, au pied des militaires. Alors, après, vous allez dire que l'Algérie, c'est ça, qu'on cire les chaussures des militaires. C'est formidable d'entendre ça dans la bouche d'un enfant, quoi. Bon. Et par la suite, je suis devenue très amie avec tous les petits travailleurs enfants de la ville. Et d'ailleurs, ça avait commencé, l'Algérie Républicain, à cause d'Amar, parce que un jour, il vendait des cigarettes anglaises juste dans un joli endroit où il y avait un hôtel de luxe, je ne sais pas quoi. Et puis, il y a forces policières coloniales qui étaient là, qui trouvaient que ces loques n'allaient pas du tout avec le paysage. Alors, il me dit d'aller vendre ses cigarettes ailleurs. Alors, il donnait un coup de pied quelque part, le gosse, ça vous se pétait. Et puis, Boilem, qui se promenait là avec Alleg, a apostrophé l'agent de la force publique en lui disant de laisser tranquille ce petit gars. Bon, et puis, il a pris. Le soir, Amar est entré à Alger Républicain pendant qu'ils étaient en comité de rédaction. Il avait un paquet de cigarettes à la main, il l'a mis au milieu de la table, il a dit « Voilà, Sarah, enfin tout ça, enfin, je vous salue, par là, nous on s'est réunis ce matin, après le coup de tout à l'heure, et ça c'est pour vous. » Alors Boilem me dit « Écoute Amar, écoute, viens là. » On t'a pas fait un bakchich, là. Tu nous fais un bakchich, là. Tu nous fais la honte, là, hein. Fils de mon pays. Tu me fais la honte, à moi. Parce que moi, je t'ai défendu parce que je suis plus grand que toi. Et puis, ça s'appelle la solidarité. La fraternité. La solidarité. Tu comprends? Mais j'en veux pas de tes cigarettes. Mais tu viens quand tu veux. Le gosse est parti sans un mot. Puis le soir, il est revenu. Il a enlevé sa petite chéchia qu'il avait. Il a dit « Voilà, on s'est réunis encore tout à l'heure avec les copains. » Parce que les petits travailleurs des rues étaient organisés, comme au Brésil maintenant. Et on vous dit « Merci, camarade. » Alors, voilà, on était copains comme ça. Après, en 56, j'ai dit « Où est Amar ?» En 56, il était déjà au maquis. On m'a dit « Amar, il est là-haut. » Là-haut, ça voulait dire dans les montagnes, ça voulait dire avec les Felagas. Il avait quoi, 15, 16 ans ? Oh, sans doute, oui, parce que quand je l'ai connu, il avait tout de suite 11 ans. En 52, il avait l'âge, quoi. Ouais, dans cette période, dans ce voyage-là, on m'avait dit, là où il y a des forêts, il y a des Felagas. Et puis quand j'y suis retournée, 2 ans après, on m'a dit, là où il y a des hommes, il y a des Felagas. L'engrenage terrible de la répression, de la guerre, avait commencé, broyant sur son passage... Les villages et les gens, il y avait 2 millions de déportés, il y avait la guillotine fonctionnait tous les jours, enfin c'était... et nous avions pas pu éviter que les gars du contingent soient pris dans... qui donnent leur jeunesse pour ça, qu'ils soient pris quelquefois pour longtemps, parce qu'on avait même... allonger le service militaire jusqu'à 27 mois. Il y a des types qui sont restés là-bas. Des rappelés, des types qui ne savaient pas pourquoi ils allaient là-bas. Et on leur avait dit, c'est une guerre qui n'a jamais dit son nom. On a dit, c'est une pacification. Même maintenant, ils n'arrivent pas à faire... Ils ont toutes sortes d'histoires pour faire reconnaître leurs droits quand ils veulent faire admettre leurs droits pour leur future retraite. Ils ont 50 ans maintenant, ces gars-là. Eh bien, ils sont encore malades. Madeleine Riffaut, avant qu'on s'engage, vous et moi, dans l'histoire de votre guerre d'Algérie, permettez-moi de vous rappeler peut-être l'histoire de votre second voyage en Algérie. C'était quelques mois avant le début de la guerre. C'est le tremblement de terre d'Orléansville, on dit aujourd'hui à la SNAM. Et puis, je vais vous relire un poème que vous avez écrit, puisque vous écriviez des poèmes que vous envoyez aux lettres françaises. Oui. Et des articles à la vie ouvrière. Et ce poème, il dit « Mort et sable ». Ah non, mais attendez, ror, c'est, il dit ça. « Mort et sable, roc, rictus, terre en vague ravagée, doigts écrasés, effacés, rondes, rondes d'ailes noires, terre folle du chélif, terre de misère indomptée, aujourd'hui tu te mutiles, en délire, sans crier, ton maître dit « marche ou crève » et il frappe sur tes plaies. Yamina, où sont tes frères, ta tribu, collier brisé, chaque perle, un corps cassé, pris vivant sous la montagne. » Et pendant que je vous lis ce poème, je vous vois chercher l'article correspondant. Je cherchais quelque chose parce que je me souviens très bien de cette histoire. Parce que je suis allée, comme tous les correspondants de France, je pense, couvrir le tremblement de terre qui avait ravagé la ville européenne d'Orléansville, faisant des milliers de morts et de blessés. Et ce que j'ai trouvé là m'a d'abord navré, parce que un hôtel de cet étage s'était effondré comme un château de cartes, et il y avait des morts français dedans, dont un jeune couple qui faisait son voyage de noces dans ces lieux et dont il est resté, je me souviens, la marque sur entre deux plaques de fibrociment, ils étaient réduits à l'épaisseur d'une tranche de jambon dans un sandwich. Alors tout cela était atroce, mais j'avais pas vu encore le plus atroce. J'étais avec, on avait loué une voiture en Algérie, et j'étais avec un jeune garçon de l'Algérie républicain qui a été tué ensuite, d'ailleurs, qui s'appelait Choukal, et puis un autre journaliste et français. Et tout à coup, nous avons entendu des cris, et vers la mairie, il y avait un attroupement de musulmans, et les CRS du coin, quoi, étaient en train de les charger, parce qu'ils se plaignaient du fait qu'ils étaient descendus des montagnes et qu'on ne leur avait apporté aucun secours, alors que tout était mobilisé pour la ville européenne, ce qui était normal, mais il eût été normal de ne pas les oublier non plus. Alors, nous avons frété une voiture, donc, et nous sommes allés sur les hauteurs du Chélif, dont je parle dans mon poème, et la montagne du Chélif avait glissé sur les douars, sur les villages de Beni Rached et autres, et nous avons découvert des familles entières qui étaient prises sous les rochers, qui avaient des fractures ouvertes avec des vers dans les plaies, qui n'avaient rien pour s'abriter sous un soleil de plomb. Et nous avons fait un bruit de tous les diables dans les agences de presse et tout ça. La préfecture nous a fait répondre, nous leur avons donné des perches. Là, parce que des perches, c'est pour faire des huttes en branchage. Bon, enfin, c'était un peu jeune quand même. Et alors, ils sont descendus. Il y a eu un jour où c'est moribond, quoi. C'est le sujet du poème que vous venez de lire. Ils sont descendus en cortège, sans fanfare, en portant leurs blessés, en les descendant sur le dos dur des mulets, pour qu'ils se fassent soigner en bas. Il y avait beaucoup de mouches. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris ce que c'était que le colonialisme. Vercors l'a compris, lui, deux ou trois mois avant moi. Il était allé avec Rita, son épouse, faire un tour en Algérie. Et il avait été très frappé par le fait qu'il y avait tant de miséreux qui dormaient par terre, bidonville, etc. Et il avait demandé, d'ailleurs, sa femme, qui est adorablement naïve, avait dit « Mais où mettent-ils leurs affaires ?» Puis aussitôt qu'elle a dit ça, elle me disait l'autre jour, d'ailleurs, « Mais je me suis sentie horrible d'avoir posé cette question, parce qu'on lui a répondu, mais ils n'en ont pas, ils n'ont rien. » Et parlant à un instituteur de Blida, qui les avait fort aimablement invités à boire chez lui, et Vercors dit à ce monsieur, qui était fort libéral et semblait très sympathique, « Mais il faudrait faire quelque chose contre cette misère. L'UNESCO dit que il y a au moins 8 millions d'Algériens qui vivent au-dessous de la ligne de pauvreté. C'est pas possible. J'en ai vu quelques-uns, mais 26 jours, ils vont se révolter. C'est pas possible. Et l'instituteur lui répond, oh, qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur Vercors? Il y a qu'une seule chose qu'ils comprennent, ces bicots. C'est beaucoup de pompes dans le cul. Il était rentré navré de cela. Choqué, navré. Et, par la suite, d'ailleurs, il a signé la pétition des 121 intellectuels qui s'opposaient aux tortures. Et il a été convoqué à la police, où il a essayé de se faire arrêter. Il avait rendu toutes ses décorations, d'ailleurs. Mais Sartre aussi a voulu se faire arrêter, ils n'ont pas voulu de lui. Enfin, ça, ils n'ont pas voulu de moi non plus, d'ailleurs. Pour finir l'histoire d'Orléansville. Alors moi, qui était à ce moment-là encore à la vie ouvrière et toujours de plus en plus amoureuse de ce malheureux pays, je dormais avec les femmes indigènes, derrière des figuers. Et on aimait bien dormir avec le ciel sur notre tête et pas un toit. Parce que quand ça bougeait, il valait mieux ne pas avoir de toit. Alors... je restais avec elle et je m'occupais de dispatcher la solidarité, l'aide humanitaire. L'aide humanitaire, comme on dit, oui. Non pas les armes à la main, mais ma plume à la main et avec d'autres personnes du secours populaire français, du secours catholique, et de la Croix-Rouge française aussi. Et nous, j'étais avec ceux qui s'occupaient d'aider les sinistrés. Et je suis restée un mois de plus que les autres journalistes à cause de ça. Et un beau jour, c'était septembre, les raisins étaient mûrs, et sur les baraquements qui contenaient notre matériel, nous avons découvert une affiche qui était ainsi rédigée. Note à la Croix-Rouge française et aux autres organisations humanitaires. Veuillez ne pas ravitailler l'Édouard de Ponteba, les Boca Menacia, Maïsia, El Douabed, etc., dont les hommes et les enfants ne sont pas venus travailler ce matin. Merci, Orléansville, 15-9-1954. Signé le maire, Bisbanglia. Ce monsieur, comme vous l'avez compris, était un gros propriétaire terrien de vignobles. Et pour lui, ce qui l'intéressait, c'était d'être vendangé à temps. Mais les travailleurs occasionnels, étant sinistrés et étant alimentés par nous, avaient autre chose à faire que d'envoyer les enfants, comme il le dit, travailler pour le colon pour un salaire de misère. Ça m'avait complètement écœurée parce que ça disait en même temps tout est là-dedans, parce que ça disait aussi le travail des enfants. Les enfants étaient considérés comme des travailleurs parce qu'ils étaient moins payés. Mais cela, dans notre belle année 93, est une chose commune dans nombre de pays. Bon, bref, c'est une parenthèse. Ce jour-là et les jours suivants, je me suis dit, ça ne va pas durer. C'est pas possible que l'Algérie, au milieu du Maroc et de la Tunisie qui se sont soulevés, reste continuellement sans bouger. Et il y avait eu des luttes d'ailleurs précédentes. Bon, je l'ai écrit. Et d'ailleurs, on m'a prié, les autorités m'ont prié de bien vouloir reprendre l'avion, car je dérangeais beaucoup ces messieurs. Mais ils m'ont prié, c'était un département français, ils ne pouvaient tout de même pas m'expulser, pas à ce moment-là en tout cas. Et je suis rentrée, mais j'étais à peu près certaine que la lutte armée commençait. C'était devenu insupportable pour les Algériens. وقد جئت سائر إليكم SOS, septembre 1954. Mort et sable, roc, rictus, terre en vagues ravagées, douar écrasé, effacé, ronde, ronde d'ailes noires, terre folle du shélif, terre de misère, indomptée. Aujourd'hui tu te mutiles en délire, sans crier. Ton maître dit « marche ou crève !» Et il frappe sur tes plaies. Yamina, où sont tes frères? Ta tribu, collier brisé. Chaque perle, un corps cassé, pris vivant sous la montagne. Le carcan sur mon pays est plus lourd que cette pierre roulée sur nous cette nuit. Par les crêtes déchirées, un cortège sans fanfare. Sur le dos dur des mulets, c'est les paysans sans terre qui descendent leurs blessés. Quand ils furent près des barrages, un casque blanc a crié « Faut-il qu'ils aient la vie dure? Ces gens-là sont donc blindés !» En arrivant dans la plaine, sont-ils morts, de sang vidé? La chanson des mouches vertes berce les vers dans leurs plaies. Pourra-t-on un jour encore croire le parfum du jasmin? Jasmin fou, petite étoile, au mur en ruine accroché, tais-toi. Tu dis le bonheur à nous faire tourner la tête. Le gendarme est allé boire. C'est la quatrième nuit. Sur la terre du shélif, 80 000 sans-abri. Pas seulement il faut avoir fait la guerre, mais qu'il faut encore le raconter, voilà. Hein? Bon, ben, je parlais très bien arabe dans le temps, mais enfin, maintenant moins bien quand même. Pas seulement, il faut avoir fait la. On m'appelait la souris. Pourquoi m'appelait-on la souris? Parce que la souris est l'ami des ratons. C'était fort, hein? Quelle horreur! Quand j'allais à Genève, parce qu'il y avait les négociations, on commençait longtemps avant. Alors, on disait, tiens, il y a la souris qui arrive. Il ne savait pas en plus qu'en astrologie chinoise, vous étiez rat. Oui, je suis effectivement souris en astrologie chinoise. Bon, enfin, on y va. Halte au feu ! Mon lieutenant, criez, je vous en supplie. Halte au feu ! Halte au feu ! Vous nous avez rappelé qu'un Alger républicain était codirigé notamment par Henri Alleghe. Il y a la question d'Henri Alleghe, il y a le procès d'Henri Alleghe, il y a les tortures d'Henri Alleghe et finalement... En Henri Alleghe, on pourrait quasi résumer cette guerre des oui, questions et de la torture. D'ailleurs, si Henri Alleghe a écrit la question, c'était sur la demande expresse de son avocat, Léo Matarazzo. Mais quand au camp de Lodi, il a fait connaître qu'il n'était pas mort, qu'il n'était pas disparu, parce que c'était le temps des disparus aussi, qu'on n'a jamais revu, comme le professeur Audin, le jeune professeur Audin. Il avait porté plainte pour torture auprès des autorités, je ne sais plus, l'armée. L'armée avait pris sous son égide absolument tout. Toute l'administration coloniale était quadrillée par l'armée à cette époque. Et quel quadrillage, enfin, bien sûr, il y avait eu dans l'engrenage meurtrier qu'on ne peut pas expliquer en cinq minutes, au cours des années, des haines étaient devenues autre chose que des bavures, enfin, des deux côtés. Il y avait eu quelques attentats ô combien regrettables de la part du FLN à Alger, par exemple, au Milk Bar, mais qui avait été fait en répression parce que les Français avaient guillotiné à Barberousse, la prison de Barberousse, des suspects FLN. Bon, après ça, il y a eu la Casbah qui était entourée par des chevaux de frise. On ne pouvait plus entrer. Cette Casbah où je m'étais promenée librement, jadis, on ne pouvait plus y entrer qu'avec des chevaux de frise. Entre les chevaux de frise, et il n'y avait plus ni loi dans cette période de 56, 57, 58, il n'y avait plus de... On pouvait tout faire, tout pouvait arriver des deux côtés, quoi. Mais le plus fort était évidemment ceux qui avaient les armes les plus fortes, c'est-à-dire les Français, mais ceux qui devaient gagner à la fin, c'était les plus faibles, parce qu'ils étaient sur leur sol, et que... Finalement, leur cause était juste. On n'y peut rien, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Mais pour moi, l'Algérie, vous voyez, c'est très difficile d'expliquer ma guerre. André Moine, mon vieil ami, a écrit un livre qu'il a intitulé « Ma guerre d'Algérie ». Oh combien je le comprends, parce que nous avons chacun eu notre guerre. Pour lui, elle a été terrible, parce qu'il s'occupait de la propagande auprès des soldats, l'information des gars du contingent, et sa femme s'occupait des syndicats. Alors mon amie Blanche, oh Blanche ou l'oubli, comme disait Aragon, Blanche Moine, mon amie, ma sœur, qui aimait tant sa deuxième patrie, qui était l'Algérie. Cette femme sublime et si simple, et qui s'était jetée dans les actions de solidarité auprès des musulmans, a été prise et torturée avec notre ami Gabi pour lui faire dire où était son mari, entre autres. Et tout le monde pensait qu'elle était morte. Personne ne savait ce qu'elle était devenue. Et pour nous rassurer, ceux qui la connaissaient, comme j'avais connu, on était des amis qui dînions ensemble, qui étions des amis chers du temps de 52. Nous pouvions encore espérer une solution négociée. Et à ce moment-là, André Moine était illégal et il a appris par des coupures de presse venues de France que son épouse était incarcérée dans les caves du trésor d'Oran, dans les caves de la banque, parce qu'il n'y avait jamais assez de lieux d'incarcération et qu'elle avait été... terriblement torturé, pendu par les pieds, supplice de l'eau, supplice sexuel, etc. Et avec une jeune chrétienne d'ailleurs. Car on peut dire que les Européens chrétiens qui se trouvaient en Algérie ont payé de leur sang et ont choisi à cause de leur foi la cause des pauvres. Et comme l'a dit une d'elles qui est morte maintenant, elle a dit « Pour moi, la cause du plus faible, c'était forcément l'Algérie. C'est pourquoi je les ai aidés. » Et des prêtres ont été arrêtés, incarcérés. Monseigneur Duval, c'était pour faire pression sur lui qu'on arrêtait ces religieux qui avaient aidé les patriotes algériens comme ils pouvaient. Mais il n'a jamais cédé. Et il s'élevait contre la torture et il disait des paroles fortes, si bien que les colons l'appelaient Mohamed Duval. Bon. Vous faisiez les allers-retours, vous, entre Moi, je faisais Paris beaucoup d'allers-retours, oui. Et j'écrivais souvent. Et puis alors, j'allais aussi bien avec dans les trains de rappeler pour couvrir les manifestations nombreuses. Des rappelés, des appelés, qui, je me rappelle, une fois, je suis allée à la caserne Richepense, à Rouen, où ils s'étaient bloqués dans la caserne, ils ne voulaient pas sortir. Et les CRS autour, et bon, alors on est dans les trains, ils tiraient les sonnettes d'alarme, paix en Algérie, la quille, etc. C'est dur de partir à 20 ans pour la guerre, comme l'a chanté à ce moment-là Montand, je pense. C'était l'année des parapluies de Cherbourg. On ne me quitte pas, comment vais-je faire sans toi? Oui, surtout partir là-bas, pourquoi? Bon, et je me souviens toujours de ces jeunes soldats et de l'amour fraternel que j'avais pour eux, parce que je savais que moi qui revenais de là-bas, qu'ils allaient être salis, que quoi qu'ils veuillent faire, quoi qu'ils essayent de faire pour la propagande, le fossé de sang s'était élargi de part et d'autre entre les communautés ethniques. Et là où ils seraient envoyés, dans quelques djebels où ils seraient envoyés, ils essaieraient peut-être de soigner les enfants, de donner du lait, de donner des soins. Mais un beau jour, on viendrait leur dire qu'un de leurs copains était tué en allant faire la corvée d'eau, et ils prendraient des suspects et ils les passeraient à la moulinette. Et ils entendraient crier les gens du service de renseignement dans la cabane à côté, en train de passer le suspect à la moulinette, et ils se boucheraient les oreilles, encore heureux de ne pas le faire eux-mêmes. Et puis, ils s'en remettraient jamais, parce qu'on ne se remet jamais de ces choses-là. Et je savais qu'après, quand j'y reverrais à Paris, ils ne me diraient rien, qu'ils n'oseraient plus rien me dire. Mais que s'il y avait une manifestation contre la paix en Algérie, et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup, ils seraient au premier rang, ceux qui étaient revenus de là-bas, même s'ils ne disaient rien à leur famille. Vous savez, il y a eu aussi beaucoup de grèves patriotiques. Il ne faut pas sous-estimer l'action des masses en France. On parle souvent du rôle des intellectuels, du rôle des signataires du manifeste des 121, du réseau Janson. Et ce n'est pas moi qui vais minimiser l'importance de ces actions. Mais les simples actions de grève des ouvriers qui, pour avoir fait grève pour la paix en Algérie, se voyaient privés de leur travail et de leur gagne-pain, c'était quelque chose aussi. Et je voudrais dire aussi aux appelés, ne soyez pas muets comme ça. Pendant 30 ans, vous n'avez pas parlé et vous n'avez pas cherché à parler non plus. On ne vous a pas donné le micro, vous ne l'avez pas demandé. Et vous avez préféré rentrer ça dans votre mémoire. Mais vous n'avez pas même voulu en parler à votre femme et à vos enfants, qui vous trouvent pourtant bien nerveux de temps en temps. Hein? Moi, je sais quel cauchemar vous avez la nuit. Eh bien, maintenant qu'il y a des possibilités de s'exprimer, il faut s'exprimer. Les Américains, après la guerre qu'ils ont faite contre le Vietnam, après 1975, se sont exprimés par je ne sais combien de films, de livres, de témoignages, et ils se sont ainsi soulagés et ils se sont guéris. Ils ont guéri la plaie qui était en eux-mêmes. Et ce n'était pas votre faute si vous étiez là-bas. Et d'autre part, quand il y a eu le putsch des généraux, en 61, si je ne m'abuse, s'il n'y avait pas eu sur place les 2 700 000 soldats que vous étiez contre le putsch, nous aurions eu peut-être le fascisme en France. Donc, vous avez été utile. Vous avez pesé d'un grand poids. Vous n'avez pas à avoir honte. Jamais. Et la guerre d'Algérie, Madeleine Riffaut, pour vous, c'est la guerre salissante? Toute guerre injuste et salissante, c'est tout. La guerre, déjà, en elle-même, quand elle est juste, c'est pas très propre. On se salit forcément les mains, on accepte de se salir les mains. Vous croyez que le jour où j'ai abattu un soldat allemand, Ponce Ferrino, je me sentais clean. Je faisais parce qu'il fallait le faire. Et encore, c'était une guerre juste. Bon, mais nous sommes à une époque où, en plus, avec les armes modernes dont on dispose maintenant, il faudrait arriver à régler tout problème par la négociation. On ne peut plus, à notre époque, faire une guerre. Nulle part, nulle part, nulle part. Il y a toujours des solutions meilleures. Il a bien fallu négocier, tiens, pour l'Algérie, en venir à négocier. Et Dieu sait que cette négociation a été longue, de la paix des braves, parce qu'entre-temps, on était passé d'une république à l'autre. Et moi, j'étais passé d'un journal dans un autre. De Gaulle avait fait cadeau de sa personne à la France, et moi, j'avais fait à l'Humanité, au journal, qui justement cherchait un correspondant de guerre. Et j'étais très contente de faire ce travail, parce que j'en avais marre de travailler pour un hebdo, et je voulais travailler pour un journal où on se faisait tuer à ce moment-là. Et comme mon amie Blanche était déjà dans l'état que j'ai dit précédemment, que mon ami Alleg et tous les copains d'Alger républicain avaient été passés à la moulinette, je voulais absolument me jeter dans cette guerre tout entière. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai assisté au procès d'Alleg, qui avait fait passer la question par Maître Matarazzo, la question qui a été immédiatement un best-seller extraordinaire, 60 000 exemplaires vendus en 10 jours, on faisait la queue à la porte des éditions de minuit, et ensuite saisi, évidemment, republié en Angleterre, devenu sa mise date, et puis j'ai assisté au procès, un des procès d'André Moine, d'Alleg. Et Audin, lui, avait été assassiné au cours d'un interrogatoire, mais comme c'était un jeune professeur éminent, les colonels préféraient ne pas le dire. Alors on avait dit à sa femme Josette, qui remuait le ciel et la terre pour retrouver son jeune mari, qu'il s'était enfui. Vous savez, à cette époque, rien n'était net, même pas les mots. Avec le mot « paix », qui est beau, on avait fait pacification. Avec le mot fraternité, on avait fait fraternisation. On avait inventé des mots comme corvée de bois. Ça veut dire tu lui loges une balle dans la tête en route. La gégène, le passage à la moulinette et tant d'autres. Et les disparus aussi. Alors je me souviens de, parmi tant et tant de choses, de ce procès d'Alleg. Et si une chose me réconforte, c'est de savoir qu'un journaliste a été capable de faire ce qu'il a fait, de supporter ce qu'il a supporté, et ensuite d'écrire ce témoignage et de le faire passer. Non pas, comme il le dit avec beaucoup de pudeur et fort justement, pour parler de lui-même, mais pour dire que lui, il n'était qu'une petite paillette parmi un incendie de souffrance infligé à des centaines de milliers de gens innocents. Alors, ne tirez pas! Halte feu! Halte feu! Halte feu! Halte feu! Halte feu! Halte feu! Je me rappelle Vidal-Naquet, l'historien Vidal-Naquet, qui avait écrit un article sur la question. Là. Et il avait cité cette parole d'Alleg. Alleg, il est tout petit, vous savez. Il est tout mince. Il est un peu roux. Maintenant, il est grisonnant. À l'époque, il était tout malingre. Hein, c'était vraiment l'intello, quoi, avec les lunettes, qui fait de mal à personne. Hein, bon. Et puis, il a été terriblement torturé par des gens qui avaient fait la guerre tout le temps, parce que par des légionnaires, des types du REP, le régiment des troupes coloniales, il y avait même des Allemands parmi eux, des nazis qui étaient là, ils avaient baroudé partout, quoi, ils avaient fait. C'était des gens pour qui le culte du chef, la race comptait beaucoup, en avoir ou pas. Enfin. Et qu'est-ce qu'avait écrit Vidal-Naquet? Et alors, Vidal-Naquet, il avait rapporté cette anecdote qui, pour moi, m'a toujours fait très mal, parce que ça me rappelait d'autres souvenirs pas guéris, quoi. Où un officier français, hélas, dit à Alleg, qui était en sang, il lui montre Audin, qui était au bord de la mort. Et il dit à Audin, « Audin, dis-lui ce que tu as subi tout à l'heure. Dis-lui que c'est pas la peine d'insister. Dis-lui. Et alors, Audin se tourne vers Henri, puis lui dit, c'est dur, Henri. Et un colonel, pendant qu'il le torturait, avait dit à Allègue, tu sais, personne n'en saura rien. Personne ne saura ce qui se passe ici. Eh bien, tout le monde l'a su. C'est pas vrai. Tout se sait toujours. Tout finit toujours par se savoir. Pour moi, puisque je parle de moi ici, je ne peux pas dire que dans ce cas-là, j'étais un journaliste objectif. Parce qu'à ce moment-là, il s'est produit un phénomène que peut-être on n'a jamais vu autant, à cette époque-là en tout cas, dans aucune guerre. C'était un phénomène de torture collectif. On torturait systématiquement, partout, n'importe qui, n'importe comment, pour les faire parler, absolument, et torturer à mort. Alors, moi, je n'étais pas guérie de la résistance française. Quand j'ai appris par des témoins qui sont venus me trouver, et qui étaient allés trouver d'autres journalistes aussi, que en plein Paris, la torture avait passé la mer, et qu'on torturait les harkis et les policiers français, torturaient des Algériens suspects d'être membres du FLN, notamment rue des Saussées. Qui avait été le siège de la Gestapo. Alors là, j'ai été prise d'une de ces rages froides que j'ai de temps en temps, et j'ai écrit des articles évidemment incendiaires. Si bien que parmi les 150 poursuites que mon journal a eues, 3 étaient contre moi pour complicité de fausses nouvelles, démoralisation de la nation et autres bricoles. Enfin, bon. Alors, moi j'avais mes témoins, dont un prêtre, un chauffeur de taxi, un gardien lui-même, enfin j'avais tout ce que j'avais tout. Hein. J'écrivais dans l'Humanité plusieurs fois, je demande à Monsieur Papon, jugez-moi. Et je demandais à être jugé, parce que j'aurais pu démontrer quelque chose. Et puis, bon, il y avait de multiples saisies. Papon, c'était le fameux Maurice Papon. C'était un monsieur dont l'activité sous l'occupation n'a pas été totalement éclaircie, dirais-je. Et de toute façon, j'en savais rien à cette époque, mais c'était lui qui tapait à la caisse des journaux, tels que Libération, Témoignage chrétien... qui saisissait les livres de Vidal-Naquet, comme l'affaire Maurice Audin, La gangrène, etc., écrit par des étudiants algériens et autres. Et mon vieil ami Georges Arnaud, que j'allais oublier, celui qui a écrit Le salaire de la peur et qui a écrit un livre aux éditions de Minuit pour Djamila Bouyred, était saisi aussi, tout le monde était saisi, enfin bon. Et puis finalement... Papon a refusé de vous juger. Oui, parce que je me souviens d'une anecdote qu'on peut raconter maintenant, parce que c'est pas bien méchant. Étienne Fajon, qui était le directeur de ce journal, était allé trouver le magistrat habituel, parce que ça tapait terriblement à la caisse, et il voulait savoir où il en était. Et il a dit, alors le magistrat lui sort un tiroir et dit, ben voilà votre dossier, monsieur Fajon, vos dossiers. Bon. Il dit, mais Où est celui de Madeleine Riffaud ? Il parlait un peu, il me dit comme ça. Alors, il lui dit, ah, Madeleine Riffaud ? Oh, ça c'est autre chose. Il est là. Et il lui montre que le bon dossier était absolument caché, tout au fond du fond du fond du fond du tiroir. Alors, j'étais pas prête à passer. Parce que, évidemment, ça les aurait beaucoup embarrassés que je sorte la citation militaire et que je dise que la vérité, c'est qu'en tant que patriote française, je ne pouvais pas supporter que mon pays, la France, fasse subir des tortures pareilles à des patriotes d'autres pays. Voilà. Je fréquentais énormément les avocats. Alors, je ne veux pas dire de nom de X, Y ou Z, parce que je pourrais faire croire, à, s'ils m'écoutent, ils penseront que je l'ai oublié. Je ne peux pas citer tout le monde, alors je ne cite personne. Hein. Mais j'allais tous les matins, tous les jours, à 1h de l'après-midi, aux nouvelles, au petit bar du palais de justice. Et donc là, les avocats, il y avait Madeleine Jacob, la vieille journaliste Libération, et moi-même, nous allions demander aux avocats des Algériens, où on en était, quel procès aujourd'hui, etc., tout ça. Et puis, il y en a un avec qui j'avais vraiment lié amitié, qui s'appelait Oud Daoudia, qui avait épousé une Française, type très sympa. Et puis, un jour, je suis allée le voir dans son bureau, qui était dans une rue assez sombre, du côté des grands boulevards, par là, je ne me rappelle plus exactement où. Et il me dit, demain, vous voyez, je vais plaider pour la gangrène. Enfin, ceux qui ont écrit la gangrène, ça veut dire la question, quoi. Qui était publiée par des étudiants algériens torturés à Paris. Et puis, nous devisons quelque temps là-dessus et je vais me coucher. Je lui dis, bah, demain, je viendrai pour votre plaidoirie. Je vais faire un article dessus. Et le lendemain, à 1h, je me présente au même lieu, même droit, endroit, même personne. Et je vois ses confrères... abattu, les yeux rougis, et qui me disent, mais tu ne sais rien, tu ne sais rien. Moi, j'avais dormi, je m'étais couché très tard, et puis je dis, quoi, qu'est-ce que je devrais savoir? Maître Oud Daoudia est assassiné. On avait appris à nos enfants une étrange science qui était d'écouter les pas dans l'escalier et de faire attention. Comme ça que Posner, l'écrivain Posner, lui qui avait écrit un livre s'appelait Le lieu du supplice, a été plastiqué. Il gardait sa petite fille, c'était à Paris, il était plastiqué en même temps que moi. Moi j'étais à Alger, puis moi, lui. Il a entendu du bruit, il a ouvert la porte, il a entendu quelqu'un qui s'enfuyait, il a pris le paquet, c'est un paquet qui fumait, puis il y avait un détonateur, sa petite fille qui courait derrière, alors que faire? Et jeter le paquet dans l'escalier, il y avait quelqu'un qui montait. Jeter en arrière, il y avait sa petite fille, alors il a arraché le détonateur qui lui a pété dans la gueule. Alors il a eu... On ne croyait pas. Il est mort cette année seulement. C'est incroyable. Il a écrit plein de livres après. Et il a eu une fracture du rocher. Enfin, il était longtemps entre la vie et la mort. Ça, c'est une autre histoire. Vous voyez qu'on déraille tout le temps. Madeleine Riffaud, La mémoire sauve. Édouard Campras, Jean Godel, Jean-Pierre Juncker, Marie-Christine Closet, Ludovic Cellier. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 5 août 1993. Prochaine émission, Algérie, les mouches vertes. Émission que vous pourrez réécouter en ligne durant 1000 jours ou télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.